Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. Êtes-vous prêt pour un peu de nouveauté? C'est la chance aux coureurs! Bonjour et bienvenue à la Chance au coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. Je m'appelle Mathieu Plante et comme à chaque semaine, pendant 3 heures, on va entendre les CD qu'on a reçus à C'est fou pendant la semaine. Cette semaine, petite semaine comparée aux semaines dernières, on a reçu seulement 2 albums de francophones. Un de rap, c'est Sam I Am avec Face à soi-même. Mais on va commencer par une compilation qui s'appelle Le Zoo, un hommage à Jean-Claude Lauzon. Avec des artistes tels que Steffi Choc, Luce Dufault, Jean Leloup, Alpha Rococo, Pierre Flynn, Eve Tournoyer, Gilbert Sicotte, Carl Egan, Yann Perrault, Pascal Bussière, Florence K et Clayton McDonald. On commence par une pièce d'Eve Tournoyer qui ouvre l'album. Voici « En t'espérant d'hier, à la chance, au coureur ». Je ferme radio de demain. Des accidents géographiques, excitation, un couple qui danse. petit garçon et une petite fille nue qui se tiennent par la main. Le fruit défendu. Une bouteille où l'on pourrait lire cet écriteau, danger, peut-être poison. La femme des autres, un homme en train d'admirer la carrosserie de l'auto de son voisin. Peur. La peur, c'est un enfant devant quelque chose d'inconnu, une femme devant un serpent. Une femme devant un serpent. Des arbres qui plient sous la force d'une douce brise. Une femme devant un serpent. Des arbres qui plient sous la force d'une douce brise. Éveil sexuel. Une fleur en train de s'épanouir au soleil. Un homme et une femme en train de s'accoupler sur un air de tombeau. Un terrain rempli de volcans. Trois pièces de l'album Le Zoo, un hommage à Jean-Claude Lauzon. Ça, c'était Pascal Bussière, oui, avec Questionnaire, précédé de Jean Leloup avec Depuis le temps et de Ève Cournoyer avec En espérant d'hier. Parlons un petit peu de cette collection, un hommage musical à Jean-Claude Lauzon. Il y a 10 ans, le 7e art perdait un artiste flamboyant et singulier, dit le communiqué de presse. Au mois d'août 97, aux commandes de son avion en compagnie de la lumineuse Marie-Soleil Touga, Jean-Claude Lauzon a effectué son dernier vol dans le Grand Nord qu'il a tant aimé. De son vivant, nous avons pu connaître et admirer son immense talent de cinéaste dont il a donné une preuve éclatante dans 3 de ses œuvres, Pee-wee, Un zoo la nuit et Léolo. Mais bien avant qu'il ne songe au cinéma, Jean-Claude Lauzon était envoûté par les mots qui bouillonnaient dans sa tête et il voulait être poète. En 1976, il a fait parvenir à son père spirituel, André Petrovski, des poèmes accompagnés d'une lettre dans laquelle il écrivait, et je cite, « J'ai l'intention de publier, et cela plus que jamais, je suis pogné avec la poésie, elle me colle au cul. » La lettre se terminait en disant « Tu aurais voulu être poète, moi je le suis, sans rancune. » Afin de souligner le 10e anniversaire de la disparition de Jean-Claude Lauzon, André Petrovski initie le projet d'un album de musique dont les textes seraient tirés du recueil des poèmes du cinéaste qu'il a publié à titre posthume en 2006. Séduit par ce projet d'un hommage musical tout à fait original, Nicolas Petrovski du studio Mixar s'assure de la collaboration de chanteurs et de comédiens québécois de grand talent, dont Stéphie Choc, qui a choisi Mélancolie, Luce Dufault avec Le Temps de m'entendre, Jean Leloup avec Depuis le temps, Alpha Rococo en Mon âme, Pierre Flynn, Il était déjà tard, Il était déjà loin, Gilbert Sicotte avec Mon éducation, Coral Egan avec En voyage, Yann Perrault avec Corde à linge et Ruelle sale. On a entendu Pascal Bussière, Clayton McDonald avec Jill M pour La Colombe. Et fait inusité, dit l'article, Florence K et Ève Cournoyer ont été inspirés sans savoir par le même poème au titre très évocateur « En t'espérant hier ». Cette pièce ouvre et clôt l'album. Donc, c'est réalisé par Nicolas Petrovski et produit au studio Mixar. L'album Le Zoo est lancé sur Orange Music et c'est disponible depuis le 4 décembre dernier. Voilà, si vous voulez en savoir plus sur la compilation, allez voir orangemusic.net, orangemusic.net. Le lien sera dans le site de La Chance au coureur au www.unechance.com. On continue cette avant-dernière émission de La Chance au coureur à vie avec Samariam, un album de rap qui s'appelle Face à soi-même. Et tout de suite, voici une pièce de cet album tirée de ce morceau de plastique avec un trou dedans. C'est Injustice, tout de suite. À la chance au coureur sur C'est fou 89 FM dans vos oreilles. Mmh. dans les pop. J'avance à grand pop, j'ai pas les pieds dans même pot. J'ai arrêté de vendre du pot pis de la coke. Aujourd'hui j'rappe pour ma cause pis j't'en offre une dose. C'est mes tonnes, mes histoires, mes problèmes. Ma façon de voir la vie pis c'est une façon de voir la tienne. Y'a des trucs sur l'album, j'ai jamais dit à personne. J'me dévoile sans faire de mal à personne. J'suis tellement simple, c'est tout ce que le rap me transmet. J'suis humble et vrai, et c'est tout ce que le rap me permet. Mais dans le fond, j'ai pas besoin de permission. Quand j'dis ce que j'pense, et j'pense comme j'écris. Je sais d'où j'viens, pis j'sais où j'vais. C'est pas le cas de tout le monde, c'est pas tout le monde qui pense comme ça. J'suis le gars que tu vois, pis j'reste ce que j'suis. Si j'suis debout devant toi, c'est que le travail apporte des fruits. Fuck l'attitude, j'suis le même gars que d'habitude. J'ai marché sur des chemins où l'asphalte était rude. Dans l'illégalité, t'es pas rappeur par style, mais par mentalité. Faut arrêter de tourner en rond, puis de rester stable. J'ai essayé une couple de fois, si j'étais détestable. Dans cet temps-là, que j'prends mon pack-sac. Fuck that, toujours le même shit, jamais la même date. Mais bon, j'fais avec, parce que t'as pas le choix de vivre avec. On a toutes fait le compte, c'est le temps de l'admettre. Pas d'études, pas de travail, j'ai décidé de faire du rap. Et c'est le rap qui me travaille, ou si tu veux que j'aille. Partout c'est pareil, attentif aux conseils, n'importe quel con s'essaye. Ce que j'aime, c'est la liberté d'expression. Sans même poser un geste, on peut faire une action. La vie peut être belle, c'est ce qu'on appelle le paradis. C'est juste qu'on nous l'a pas dit. Une réalité de communauté loin du milieu urbain, avec la même mentalité, c'est-à-dire le rêve américain. L'argent mène le monde, mais l'on se plaint le ventre plein. Au salaire minimum, obligé de faire ça à temps plein. D'autres sont mis à mort par un système qui roule sur l'or. D'autres sont mis à mort par une justice qui dort. J'ai une petite réserve au nord, il est temps que le vent tombe de bord. Je rappe pour les miens jusqu'à ma mort, parce qu'on est mis à bord. Aussi bien nous mettre la peine de mort avec le même décor. Fuck off, on reste fort, il est temps que t'apprennes mon histoire. Ma culture, ma passion, ma raison de vivre, mes origines, ma fierté, ma zone grise. Faut pas oublier que je viens d'Abitibi, sur une terre algonquine. On m'a appris la vie avec mes joies et mes peines, ma rage, ma haine, tout ce qu'a joué contre moi-même, devenu la cause de mes problèmes. Et la crise d'Oka a rien à voir avec mon cas, mais je vais me battre jusqu'au bout pour défendre nos droits. Je veux suivre la voie de mes ancêtres, être la voix de mon peuple. Une langue en voie d'extinction, je veux rebâtir la nation, car je représente ma nation, bref, ma génération. Mon peuple, mes ancêtres, y'a pas mille façons d'être. Je suis ce que je suis, puis je suis fier de l'être. Et je suis le premier de ce monde à apprendre à me connaître. Jugé par nos paroles, j'ai pas choisi les paraboles. J'aime mieux dire les vraies choses qui font de moi un porte-parole. On dit que c'est la vie, fuck that. La justice qui t'instruit, mais dans le fond ça détruit. On dirait que je peux encore entendre les hurlements. Et quand on parle de mon histoire, je trouve ça dégoûtant. Mais dire que c'est nos vies, une mémoire impardonnable. La même vie sale que les enfants de Duplessis. Hostie, on a tous nos petits soucis, mais quand ça touche toute une nation, moi je me sacrifie. Quand je vois que dans ma réserve ça tourne mal, j'essaie de changer le monde avec mes cordes vocales. Déconscientiser, d'arrêter d'ignorer. On fait partie de l'histoire, mais l'histoire est loin d'être terminée. Mettre dans les réserves, ça veut dire mettre de côté. Mais mon opinion, les derniers seront les premiers. Je suis un militant, j'ai beau me battre pour ma cause. On en mérite pas faire. Regarde ailleurs, c'est la même chose. En Afrique, les peuples blancs qui contrôlent, ils ont débarqué avec des bébés, puis ils ont volé les terres. Ils ont fait la même chose ici, pense vraiment que je vais me taire. Ceux qui pensent le contraire, ils se mêlent pas de leurs affaires. On est mis à part et le gouvernement a fait sa part. Dur d'admettre ses torts, mais je vais vous le faire savoir. C'est bon savoir la vérité en tant qu'Amérindien. Je trouve qu'on n'a pas mérité nos espaces restreints. On dit que c'est la vie, fuck that. La justice qui t'instruit, mais dans le fond ça détruit. On dirait que je peux encore entendre les hurlements. Et quand on parle de mon histoire, je trouve ça dégoûtant. Mais dire que c'est nos vies, une mémoire impardonnable. La même vie sale que les enfants de Duplessis. Hostie, on a tous nos petits soucis, mais quand ça touche toute une nation, moi je me sacrifie. La loi sur les Indiens a obligé les pensionnaires. Ma famille a pensé là, puis on passait l'âge d'en parler. Renfermés sans clé de l'intérieur qui ont créé. Trop de violeurs d'enfants, trop lâches pour s'excuser. Pas qu'ils envoient de l'argent de l'ordre du gouvernement sans aucune excuse pour les viols et les attouchements. Y'a de quoi de pas normal, puis c'est pour ça que j'en parle. Puis si ça te rend mal à l'aise, ben c'est à toi que je parle. Y'a certaines communautés affectées par la mortalité des jeunes en crise d'identité. C'est plus la même mentalité, mais la réalité. réalité. Hiver comme été, on a eu le même calvaire mais pas dans le même quartier. Je suis plutôt réaliste, loin de l'imaginaire. Malgré ma souffrance, je remets tout à la mère terre. Je parle au nom du peuple, au nom de ma nation, de ceux qui en ont souffert. Yo, bienvenue dans mon monde. Gozean pindai napin ni majze winigak anish kawe ni did the win kish pin because agide eji wabada manjina gozean pindai napin ni majze winigak anish kawe ni did the win kish pin because agide. Autochtones qu'on a un problème de coke pis un problème de boisson. Le pire c'est que t'as raison. On est pris dans un monde de consommation. Des jeunes en manque d'attention mais plein de bonnes intentions. L'alcool ça détruit, parle-en à n'importe qui. Juste une illusion qui te laisse croire que t'es n'importe qui. Peu importe, c'est n'importe quoi. Tu penses bien te connaître mais j'ai pitié pour toi. Tu te romances pas de toi, pas de bouffe, pas de famille. Pis c'est tout ce que t'as de besoin. Man, fais-en pas du gaspille. Réveille avant qu'il soit trop tard, parce que nos mauvaises actions seront punies tôt ou tard. On dit que mes textes sont sombres parce que je songe trop, pis que des fois je frappe un mur parce que je fonce trop. Alors c'est quoi le juste milieu que je me mette dedans? Je fais du mieux que je peux mais c'est pas évident. Hey, j'ai Wabadama, j'ai Nagosé Pindai napin, ni majize winigak Anish kawe, ni didu winki Shpin piko zegide. Eishi wabadama, ni jina gozean Pindai napin, ni majize winigak Anish kawe, ni didu winki Shpin piko zegide. On m'a pointé du doigt, traité de bon rien. Aujourd'hui c'est moi qui te vois, mais qu'est-ce que je te dois rien. Tu racontes des trucs sur mon dos, après tu me serres la main. Une attitude hypocrite, y'en a dans chaque coin. C'est des requins, des gens qui ont faim, tout comme toi. Sauf t'es mieux de prendre ta place avant qu'ils se servent de toi. Je nommerai pas de nom, mais ceux qui se reconnaissent, tu sais comment je m'appelle, pis tu connais mon adresse. De toute façon, tout le monde pense que tout le monde s'en crisse, mais tout le monde s'en crisse de ce que le monde pense. Fait que c'est un gros cercle, pis on est tous pris dedans. Faut juste payer le prix, être patient et prudent. Moi je fonce à toute vitesse, sans frein, sans lendemain. J'ai plus besoin qu'on me tienne la main. Je suis seul avec un ange gardien, sans lui je récipie sous terre. Mais c'est pas aujourd'hui qu'on m'enterre. Hey, j'ai Wabadama, j'ai Nagosean Pindai napin, ni majize winigak Anish kawe, ni didu winki Shpin piko zegide. Hey, j'ai Wabadama, j'ai Nagosean Pindai napin, ni majize winigak Anish kawe, ni didu winki Shpin piko zegide. Dans les années qu'on vit, les jeunes sont plus en plus tristes, ensorcelés par des démons, sans savoir que Dieu existe. Arrête de pleurer, sèche tes pleurs. La vie peut être aussi belle qu'une pétale de fleurs. Comme Wabiguni, qui a changé ma vie, qui a fait de moi un autre homme, de celui que j'avais choisi. Y'avait des lignes blanches, des idées noires, tout ça sur un miroir. J'étais tellement gelé, j'en avais peur dans le noir. J'ai eu de la misère à le croire, j'truste personne. Aujourd'hui ça a changé, j'oublie pas mais j'pardonne. Dieu seul sait qu'on peut mourir demain. Alors si c'est mon cas, oublie pas ce refrain. Hey, j'ai Wabadama, j'ai Nagosean Pindai napin, ni majize winigak Anish kawe, ni didu winki Shpin piko zegide. Hey, j'ai Wabadama, j'ai Nagosean Pindai napin, ni majize winigak Anish kawe, ni didu winki Shpin piko zegide. Évidemment, comment oublier ce refrain? C'est accrocheur. Samiam, l'album s'appelle Face à soi-même. Lisons un petit peu ensemble le communiqué de presse. Né en 1983 dans la petite communauté de Picogan, en Abitibi-Témiscamingue, Samiam. Oh, c'est un N, j'appelle. Samiam, dont le nom est simplement la traduction algonquine de son prénom Samuel, est un métis qui a choisi le rap comme mode d'expression. Sur son premier album, Face à soi-même, Samian se distingue par des interprétations sur des thèmes très personnels. Sa vie, son parcours, son identité et l'histoire des siens. En plus d'incorporer des tambours et des chants autochtones au rythme hip-hop contemporain, il demeure fidèle à lui-même et mise sur des textes rassembleurs et engagés. C'est pour ça que dans les pièces, il dit « Je suis humble, modeste et tout », tout en parlant bien de lui-même. Donc, il parle des siens et de la vie avec lucidité et passion. On retrouve de belles collaborations sur ce premier disque de Samian, qui regroupe 13 titres avec son ami Florent Volant. Il rappe dans une chanson portant sur la cause environnementale. Avec son partenaire Anodagé, il enregistre un duo qui est la seule pièce que Samian interprète entièrement en algonquin. Avec Shout Aster, un artiste inou qui harmonise le reggae avec sa langue maternelle, Samian nous offre une chanson lumineuse et énergique. Et finalement, La paix des braves avec Loco Locas vient commémorer l'union entre les Québécois et les Premières Nations. Une véritable chanson coup de poing. Donc, le lancement spectacle s'est fait le lundi 12 novembre dernier à Montréal. Et pour l'occasion, Samian était accompagné de musiciens et de Florent Volant, justement. Anodagé, Chahut Aster et Loco Locas. Il y avait aussi DJ Org, le principal collaborateur aux arrangements et à la réalisation de l'album. Il y a un vidéoclip pour La paix des braves tourné sur la réserve de Piogan en septembre dernier. Et elle a été présentée en primeur à l'événement. Vous pouvez aller voir le samian.ca, S-A-M-I-A-N.ca ou le myspace.com/samianmusic. Donc, ça dit, un artiste, pas comme les autres, à découvrir absolument. Et l'album est en vente depuis le 13 novembre dernier. C'est Samian avec Face à soi-même. Voilà. Faut bien prononcer ça comme faut. Samian. Pas Samian. Bon. Donc, ça, c'était pour le rap francophone. Il nous reste un dernier album qu'on m'a amené à la dernière minute. C'est le Henry Band avec La Cuvée des Rois. C'est un album compilation de leurs meilleures pièces, j'imagine, parce que ça dit 1990 à 2002. Leur plus grand succès du Henry Band. Il y a deux CD là-dedans, le bar 1 et le bar 2. Les bars B-A-R, vous voyez le jeu de mots. On commence par la pièce Au bar des autres. Tout de suite à la chance! Personne, au courant. C'est d'asseoir qui va me faire la croix qui va être du monde sous. Ah, c'est fou, 89.1 FM! Dimanche plus vieux, c'est le bordel, c'est la merde, j'arrive à peine à me mettre un pied devant l'autre. Entre un vino et une fine selle, ma vie s'achève, elle m'abandonne. Je suis resté là au bar, je me suis bien arrosé une amuse-gueule, ma souris tend vraiment. On s'est aspergé de compliments, et puis d'une baisse sans compliment. À boire, buvons mes frères. Si bien que la bouteille ne m'inspire guère, j'aspire volontiers cette lampée avec un semblant de soif pour m'animer. J'aperçois le tétacé d'un état végétal, le fil de leur vie étant coupé. Un nœud les avait séparés, je leur paye un verre pour un lasqué. Thank you. plus d'Henri Ben de retour. À la chance au coureur. Vous êtes à la chance au coureur, à C'est fou 89.1 FM. C'est fou depuis 10 ans. Zip, plus vite, moins ça. C'est fou, Le Henry Band avec la pièce Le Bum de la campagne de leur album La Cuvée des Rois 1990-2002. C'était précédé de Pas de piano et de Au bar des autres. C'est les trois premières pièces qui ouvrent donc l'album La Cuvée des Rois et le CD 1 qu'on appelle Le bar 1. Le Henry Band, tiens, parlons à peine un petit peu d'eux. Ils ont inclus un petit texte dans leur album. Tout a commencé il y a de ça 17 années. C'est au sortir d'un gala de lutte fortement remarqué par la quantité ingurgitée que le rock'n'roll de campagne nous a happé, de plein fouet. Nous l'avons trimballé sur presque toutes les scènes du Québec, de Saint-André à La Chute en passant par les plaines d'Abraham, le parc Jean-Drapeau et le Centre Bell de Montréal. Vous trouverez sur ces deux albums les 12 premières années du rock'n'roll de campagne, le tout agrémenté de versions démo et d'enregistrements devant public. Alors buvez, chantez, pleurez ces airs de liberté et en l'honneur du pays d'Henry Band. Ouais. Les membres, c'est Robert Simard au texte, à la voix et au Wizard, Stéphane Arsenault à la basse et l'harmonica, Christian Légaré au piano, à l'orgue et à l'accordéon, Benoît J. Desjardins à la guitare, Daniel Gagné à la batterie, Francis Lépine à la guitare et Benoît Dion à la batterie. Et il y a d'autres gens qui ont collaboré à cet album, mais bonk, comme on dit. Le Henry Band ou henryband.ca, H-E-N-I, band.ca.com. Wow, .com, allô, on se réveille, .com, sur lunechance.com, le site de l'émission, si jamais vous n'avez pas retenu l'adresse pendant que je la disais. Ça fait le tour du francophone. On a entendu la compilation Le Zoo, un hommage à Jean-Claude Lauzon. On a entendu Samian avec Face à soi-même et Henry Ben avec La Cuvée des Rois 1990-2002. C'est une étape de passé à la chanson coureur pour cette semaine. L'avant-dernière émission, on continue avec de l'anglophone. Et on a reçu un simple de la formation The Dynamics qui reprennent une pièce des White Stripes qui est même pas si vieille que ça, dans le fond. Voici Seven Nation Army à la chanson coureur. Ah, c'est fou, 89.1 FM, dans vos oreilles. About it, from the Queen of England to the hounds of hell. La formation française de Dynamics avec une pièce nommée Seven Nation Army, reprise des White Stripes. Pas affreusement mauvais. Ça valait pas vraiment la peine de la refaire, mais bon. La pièce était bonne à la base, hein? Pourquoi pas la laisser tranquille? The Dynamics, un groupe de reggae soul dub de France, comme je le disais, ils sont au myspace.com/ The Dynamics Sound, hein? Ou encore thedynamics.free.fr. Leur nouvel album est sorti en octobre 2007. Il s'appelle Version Extensions, je crois. C'est écrit blanc sur fond rose. C'est un petit peu... Ah, Version Excursions! Voilà! Ah, c'est beaucoup plus beau comme ça. Ça a beaucoup plus de sens. Ben qui a été créé à la fin de l'année 2003. Hein, voilà. Donc, si vous voulez plus d'informations, encore une fois, thedynamics.fi.fr, c'est pas mal tout pour ça. On a un autre simple cette semaine, parce que, bon, comme je le disais tantôt, ça, c'était simple. Il n'y a pas d'autres pièces à entendre, deux, malheureusement. On a reçu aussi The Summer Lad avec une pièce extrêmement longue de 40 minutes 23 secondes qui s'appelle City of Noise. On va aller justement entendre les premières minutes de ça pour se rendre jusqu'aux nouvelles. Sinon, il y a la version single aussi de 4 minutes. Comme on dit dans le domaine, on dit ça en radio, minute. Donc, The Summer Lad, un groupe que j'avais bien aimé il y a quelques années avec une pièce quelconque qui avait été utilisée comme thème pour une émission quelconque sur une chaîne qui n'existe plus. Donc, pourquoi j'en parle, je sais pas. La voici, la pièce tout de suite. C'est City of Noise. À la chance, au coureur. Et les auditeurs du vendredi soir vont entendre les nouvelles de Radio-Canada. Juste ça pour que vous y sachiez. Soyez pas surpris, t'sais. Des fois, t'arrives pis c'est comme, c'est quoi cette affaire-là? C'est les nouvelles. C'est extrêmement divertissant. Contrairement au début de cette pièce. Je tenais à le mentionner. cela est tellement beau. Et me voilà de retour pour vous annoncer qu'en fin de compte, c'est long un peu. Hein? T'sais? On va aller voir de quoi a l'air la version single, juste pour voir ce qu'ils ont fait avec tout ça. Parce que c'est 40 minutes. En tout cas, ils racontent que c'est pour un événement là, qu'ils ont fait. Bon, il fallait qu'ils fassent une longue pièce avec chorale, etc., etc. Il y a un paquet de trucs à savoir là-dessus. Ils en parlent sur le thesummerlab.com. Ce qu'on va faire, c'est tranquillement et subtilement baisser le volume de la version longue, changer de pièce et partir la version courte. La voici tout de suite à La Chance au coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. Le poste d'écoute de C'est fou, c'est La Chance au coureur. Je le répéterai jamais assez. Mettez-vous-le dans la tête pendant encore 2 semaines. Après ça, vous l'oublierez. C'est la deuxième heure de La Chance au coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. Je m'appelle Mathieu Plante. Dans cette deuxième heure, ça va être pas mal anglophone. On commence par Your Favorite Enemies. Le EP s'appelle And If I Was to Die in the Morning, Would I Still Be Sleeping With You? Voici la pièce Open Your Eyes. Assez fou, 89.1 FM, dans vos oreilles. stranger. I've bailed my eyes a thousand times, hiding secrets deep down inside. I gave up my soul to change the frame. Midnight is crashing, looks so empty. Keep my head. stopped spinning around. Alice won't be back this time. Wonderland's fading. As she closes the light and drops the bottle down, Wonderland's fading. Wonderland's fading. Tell me, little sister, is it the warm and safe in there? Your face is like winter and your eyes seem so dry. Well, tell me, little sister, is it the warm and safe in there? Your Favorite Enemies avec l'album And If I Was to Die in the Morning, Would I Still Be Sleeping with You? Et les pièces Open Your Eyes, Midnight's Crashing, et on vient d'entendre Little Sister. Leur site web, c'est yourfavoriteenemies.com. C'est une des nouveautés qu'on a reçues assez fou cette semaine. Donc, je suis présentement sur leur MySpace, au myspace.com/ Your Favorite Enemies, hein, pourquoi pas. Et puis, ça dit que c'est un groupe de Montréal, un groupe d'alternatif rock metal de Montréal. C'est super, vous pouvez entendre toutes leurs pièces de l'album sur le MySpace. Et puis, il y a quelques autres infos, dont quelques spectacles passés, hein, pourquoi pas. Et puis, le fait que le EP de l'album est maintenant disponible sur iTunes au Japon. Très, très bien. Donc, un spectacle, tiens, annonçons-en quelques-uns. Pourquoi pas? Ils sont... j'ai essayé au moins. En fait, je regarde ça et tous leurs spectacles sur leur MySpace sont passés. Donc, n'en parlons pas, mais ils sont nés il y a 8 ans. Les membres sont Alex Foster, Miss Isabelle, Jeff Beaulieu, Seth Lemelin, Ben Lemelin et Charles Alici. Je répète l'adresse, lemyspace.com/yourfavoriteenemies ou encore leur site web officiel yourfavoriteenemies.com. Allez voir le unechance.com si vous n'êtes pas capable d'épeler cette adresse. Voilà. Donc, on continue avec le bloc Écoute-moi donc. Le bloc Écoute-moi donc, qui est le bloc où on remplit nos promesses. On leur a dit qu'on les jouerait. C'est Rotary Club avec Vis-à-vis, leur album. Et tout de suite, voici Rocket Tonight. C'est la chance au coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales reçues assez fort pendant la semaine. Avec vous, au 89.1 FM. A girl named Rocket is ironic, I know, but I had to face your reptile world, and I know it well. C'est fou depuis 10 ans. All's gone by the seat of my pants. All starts slow, but now's the chance. Gonna get back to what I lost. Everybody asks me where I've been, why I've been bothered picking up this band. I'm gonna look them in the eye. I don't know why. I just get by. Find a $20 bill in my favorite shirt. Roll up in a ball like a teenager scared. Just sit there, away from me. $20 lost, $20 saved, $20 earned, $20 made. Stuck there, laughing back at me. I don't know why. It just slipped by. Plus de Roderick Club. Au retour à la chanson courante. Vous êtes à la chanson courante et voici une dernière pièce de Roderick Club, Manager in Here, à C'est Fou 89.1 FM. I've traveled far to find a manager in here. Someone with whom I'll share a reason. To rise in the morning, get on the train, and have my head kicked again and again. It's a shame the way they hold the idle hands. Robert Moses, parking fields. This way of life is quite peculiar. Nobody's driven, but everyone drives. At noon, they're scraping sleep from their eyes. When there's work to be done, you notice everyone runs like rats. We'll be right back. ces sons-là, moi, quand je digère là-dessus. C'est l'intérieur de ton ventre qu'on entend live. Exactement. Surtout à cette heure-là, là, quand j'ai faim. J'ai... Ça, c'est la formation Rotary Club. C'est fou, 89.1 FM. Cherchons quelques informations sur Rotary Club quand même, parce que je veux dire, c'est quand même... Le club Rotary? Là, oui, oui, oui, oui. Ah oui? Pareil. Pareil. Pareil. Le same thing. Donc, on a entendu les trois premières pièces de l'album, Rocket Tonight, Lost Not a Lonely World et Manager in Here. Leur site, c'est RotaryClubNYCNYC.com. Danny se frotte le bedon. Ou myspace.com/RotaryClubMusic. C'est un groupe de New York aux États-Unis. Ils font du post-punk acoustique indie. Vous pouvez aller entendre et même télécharger, si je vois bien, les pièces sur le MySpace. Et puis voilà, donc c'est leur premier album qui s'appelle Vis-à-vis. C'est sorti de leur petit Easy Bake Oven, comme ils disent. Les petits fours, là. Ouais. Petits fours de petites filles, là. Hein? Fours de petites filles! Hey! Donc, ça va faire. Donc, Rotary Club, leur album, c'est Vis-à-vis. J'ai bien aimé. C'était bien. Oui. Oui. Non, c'était quand même bien. Ouais. Mais c'est moi ce qui me fait rire, c'est juste les appellations, là. Post-punk, acoustique, indie. Ouais, c'est n'importe quoi. Hein? Ben, moi, je pense que ça doit quand même représenter ce qu'ils sont. C'est juste l'appellation à cette heure est rendue vraiment. C'est tellement à précis. Ça prend au moins trois mots pour décrire un band. Ouais. Tu peux plus dire c'est du rock ou c'est de l'électro. Pour décrire une personne aussi, hein. J'avoue. Elle a un bon sens de l'humour. Ouais, c'est ça. Elle a de la personnalité. Elle est grosse. Aussi. Donc, ça, c'était le bloc. Écoute-moi donc, le bloc, on remplit nos promesses. Quoi, on a fait jouer. Non, mais c'était bon, c'était pas. Oui. C'est pas une mauvaise chose, là, de remplir nos promesses des fois, ça l'est, mais dans ce cas-ci, on a trouvé ça bon. Bon. Maintenant, on passe à un autre bloc qui s'appelle Fidèle au poste avec Danny Janvier, qui cette semaine nous présente Daft Punk. Oui. Pour les amateurs Daft Punk, on n'aime pas, ça c'est sûr, parce que justement, c'est un groupe électro, un groupe français originaire de Paris, actif depuis 1992 et formé de Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Omen Cristo. Hein, ça fait français et fraîchi un peu comme nom. Hein. Non, mais c'est vrai, hein? Ouais. C'est Guy-Manuel de Omen Cristo. En tout cas, faut que tu tapes des doigts quand tu dis ce nom-là. C'est clair. Il faut que tu tiennes ta coupe comme ça avec le doigt en l'air. Ah, voilà. Ouais, c'est ça. Ils ont un son électro, techno-rock. Bien sûr, beaucoup de liens avec le disco, le groove à l'état pur. Un des trucs intéressants, Mathieu, je ne sais pas si tu le savais, de Daft Punk, c'est que ils ont toujours gardé leur notoriété d'artistes indépendants en restant anonymes à l'aide de masques et de costumes. Dans leur spectacle, ils ont toujours des masques. Okay. Bien sûr, sur Internet, à ce temps, on peut trouver des photos d'eux. Là, mais à la base, Daft Punk, personne ne les avait jamais vus. Ça me rappelle Gorillaz un peu. Ouais, c'est ça. Ils étaient toujours masqués, des mascottes, etc. Masques un peu futuristes. Donc, ça fait quand même un élément théâtral dans les spectacles. Et ça, ben, le monde aime ça, ce qui est mythique un peu. Pareil comme les justices masqués dans le temps. T'sais. Ben oui. Pareil comme moi puis toi aujourd'hui. Oui, oui, ben c'est sûr. Nous autres, on est... Hey, juste une petite parenthèse, je t'interromps un peu. Vas-y. Nouveau site de C'est fou, cfou.ca. Oui. Section contact, photo de nous autres, juste pour vous dire. Masqué. Mais masqué. Oui. C'est ça. Masqué. Ouais. On va mettre des barres blanches. On va faire ça, noir, je veux dire. Blanche, ça pourrait être original. Ça pourrait être différent, c'est ça. Donc, tantôt, je disais qu'il était actif depuis 92, mais en 92, Thomas et Guy-Manuel, ou Thomas, parce que c'est un Français, on va dire Thomas, Thomas et Guy-Manuel ont formé un band de rock, rock-punk, du nom de Darlin, mais qui n'a pas vraiment fonctionné. Ça s'est vendu à peu près à 1500 exemplaires. Mais il y a quand même des albums qui se sont retrouvés outre-manche, comme on dirait, et ils ont été critiqués par le Melody Maker et qui a qualifié cette musique-là de Darlin de Daft Punk, qu'on pourrait traduire par... un punk débile ou un punk timbré. Et puis, ça prenait juste ça pour leur donner le goût. Alors, en 93, pendant un rave party à Euro Disney, ça devait être quand même assez intéressant, un party à Euro Disney, eh bien, les gars ont rencontré les responsables du label Soma. Et puis, dans ce même période de temps-là, parce que on sait la culture rave, quand tu vas là, après tu capotes sur l'électronique, même si t'as jamais aimé ça avant. Eh bien, les gars avaient commencé justement à travailler avec des samplers, des machines électroniques. Et on se rappelle, 93, là, on est quand même dans les premiers qui font de l'électronique. C'est sûr que les premiers ont été des années 60, là, les vrais puristes vont me dire même 50. Mais mettons, à plus grande échelle, ben c'est les années 90 qui ont amené vraiment l'électronique. Donc, ils avaient commencé à jouer avec ça. Un an plus tard, ils enregistrent un maxi et leurs électro-adolescentes ont retenu l'attention des journalistes français. Puis là, ils ont continué parce qu'ils voyaient qu'il y avait quand même un engouement pour cette musique. En 95 est sorti leur véritable succès. Et puis, je pense qu'on va l'écouter. Je vais continuer mes petites rencontres après. Ça va être la pièce 11, la pièce Da Funk. Ah, je t'avais pas donné le disque. Ben Mathieu. Non, c'est le fun que t'en parles. Merci. Mais c'est pas grave. On va faire comme s'il y avait du monde qui applaudisse. Donc, en 95, arrive leur premier véritable succès. C'est Da Funk. Pour ceux qui écoutaient Musique Plus à l'époque, ça l'a roulé. C'était un chien, une genre de mascotte pour garder leur thème, qui se promène dans Paris. Et ben on s'en va écouter ça, puis je vous reparle un petit peu plus loin. Après la pause. Après la pause musicale. C'est le bloc Fidèle au poste à la chance au courant. Daft Punk, de la formation française Daft Punk, formation phare en électro. Et puis, ben oui, je connais plein de monde qui sont allés voir le show à Montréal cette année, c'était en 2007. Et puis, quand j'écoute cet album-là, je me dis, ouais, j'ai manqué un esti de show. Non, mais vraiment, je connais des gens qui sont allés. Moi, j'avais décidé de pas y aller parce que le dernier album qui était... Human After All ou After All Human, je me rappelle plus, je vais vous le dire tantôt. Ouais, c'est ça. Human After All, eh bien, je le trouvais un peu trop répétitif. Mm-hmm. C'était vraiment, il pognait 16 bars de musique, là, 4 mesures, là, tout, ça restait, toutes les pièces restaient pareilles. Très accrocheuse, parce que Daft Punk, c'est toujours très catchy, mais, regarde, dans cette pièce-là, ça change, ça se promène. Le beat change, à un moment donné, il vient vraiment disco, boum, boum, boum. Là, après, il tombe un petit peu breakbeat. Et puis, ben, c'est ça, c'est. Plus évolué. J'avais pas allumé, moi, qu'il ferait plein de tracks comme ça. Je m'en mords les couilles. Bon, mais en tout cas, je continue la petite histoire. En 95, cette excellente pièce est sortie avec un tout autant excellent vidéo. Et puis, ben ça, suite à ça, ça s'est enchaîné. Leurs succès ont vraiment décollé. À partir de ça, ils faisaient des premières parties pour Chemical Brothers, qui avait déjà une notoriété à Londres. Eux autres étaient français. Au début, ils jouaient seulement en France. Et puis, étrangement, ils sortent l'album, la pièce Around the World, et à partir de ce moment-là, ils ont fait le tour du monde, et c'est pas à peu près. Ils ont voyagé vraiment partout, tu sais, des tours d'à peu près 40-50 places à faire à peu près à travers tous les pays du monde. Ils ont vraiment attiré des foules. Daft Punk, qui ont des fans, tu sais, des maniaques, justement. Eux, ils ont... souvent vont critiquer les albums de Daft Punk et puis après ils reviennent, ah oh non finalement c'est bon, tu sais, ils vont dire c'est pas bon, après c'est bon, et puis ben c'est ça, on comprend quand on entend une pièce comme ça, et je pense que cet album-là va les faire ça va les remettre sur la map, parce que leur dernier album était tellement mitigé, parce que il y a, comme je te disais tantôt, ben ben du monde qui trouvait qu'il était répétitif, puis d'autres disaient que c'était un concept, justement parce que avec un titre comme Human After All, ben ils disaient que c'était comme c'était pour parler de la déshumanisation, justement. Donc, c'est pour ça que c'était robotique. Ils étaient un peu contre ça, mais en même temps, ils le faisaient. Donc, des gens ont dit que c'était trop répétitif. D'autres ont dit que c'était un concept génial et novateur. Pour un petit retour, justement, en 97, on sortit l'album Homework. Il y avait toutes ces pièces-là. Il y avait justement la pièce qu'on vient d'entendre. Il y avait Around the World qu'on va entendre à l'instant même. Et en 2001, ils ont sorti Discovery, qui est un peu plus... pop, disco, très, très pop, justement, très 1980. Ça aussi, les gens ont fait « Ah, c'est bon, c'est bon ». D'autres disaient « Ah oh, non, c'est trop rendu kitsch, trop facile », tu sais, parce que c'était en 2001, là, c'était comme la mode, le retour des années 80. Tandis qu'en 97, Homework était comme nouveau, il y avait un son nouveau, il amenait quelque chose vraiment de plus novateur. Et puis, ben, ils sortent des albums à peu près aux 4 ans. Et en 2005, justement, sortait Human After All. Alors, pour les deux prochaines pièces, parce que je ne parlerai pas entre les deux, on va écouter la pièce Around the World. Et puis, ensuite, on va écouter, ben, c'est ça, du dernier album. On va écouter Touch It Technologic. Ouf. Et puis, ben, c'est ça. Moi, je vous dis, vous avez un cadeau à faire à quelqu'un à Noël. Excellent album. Ah. Si vous voulez groover. Non, mais en tout cas, ça donne le goût. Le seul petit hic, là, mettons, pour m'avoir fait plaisir, il a fallu qu'il y ait un DVD dedans. Ah, ben oui. Ah, ça moi, il y a une photo, par exemple. Ben, il y a quelques photos écœurantes. Là. On voit leurs machines, sont dans un cockpit d'avion. C'est hallucinant, des machines partout avec leurs casques, leurs vestes de cuir avec des studs écrits Daft Punk dans le dos. C'est très joli, mais c'est pour ça que je dis... Ça me semble qu'un DVD, ça aurait été cœur. Est-ce que tu disais que chaque pièce, c'est deux pièces en même temps? Oui, oui, c'est ça. C'est souvent deux, trois pièces mixées ensemble. Okay. Parce que c'est ça, chaque pièce, Robot Rock, oh yeah, celle-là, c'était Daft Funk. Là, on peut le dire comme genre anglais, Daft Direct, mais c'est des Français, donc on peut dire Daft en direct. Daft en direct. Et puis Around the World, Harder, Better, Faster, Stronger. C'est très, très d'actualité, étant donné le remix, la refaçon de cette pièce-là qui joue partout, la Harder, Faster, par un rapper quelconque. Là. Ça pogne en ce moment. Mais c'est ça, c'est comme des genres de mix, une nouvelle version. On l'a entendu, là, la pièce qu'on a entendue tantôt, Daft Funk, c'était pas la version vidéo du tout. Là. C'est une version vraiment en show. Et puis, ben, c'est ça qui est le fun, c'est que souvent des fois, et même moi je fais de la musique électronique, des fois ce qui est difficile c'est de faire des nouvelles versions puis qu'ils soient aussi bonnes. Là c'est, ils font des versions puis sont encore meilleures. Voilà, bon, on va ça maintenant à la chance au coureur dans le bloc Fidèle au poste. Les auditeurs du vendredi s'en vont entendre les nouvelles. Yeah, on aime ça les nouvelles. très bonne nouvelle. Thank you. Avion en troisième heure de la chanson coureur The Art Department, Billy Club EP de Elbow Beach Surf Club et Cure for the Common Crush de Heidi Guinness. C'est dans la troisième heure de l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous au 89.1 FM. Bring it, babe, watch it, turn it, leave it, stop, format it. Touch it, bring it, babe, watch it, turn it, leave it, stop, format it. Watch it, turn it, leave it, stop, stop, na na na na. Touch it, turn it, leave it, stop, stop, na na na na. Feel it, curl, curl, find, find you, it coated, jam, jam, blah, blah, blah. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, so mad it. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, so mad it. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, so mad it. Bon retour, c'est la troisième heure de la chanson coureur, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. Je m'appelle Mathieu Plante, c'est l'avant-dernière émission de la série La chanson coureur, donc merci d'être avec nous. Dans quelques instants, on va entendre un petit peu de musique canadienne avec Elbow Beach Surf Club et Ed Guinness, mais on commence par The Art Department avec leur album éponyme. Voici LCD Sound System, assez fou, 89.1 FM, dans vos oreilles. J'aime ça faire des bruits comme ça. Imitate the Viens, tu peux avec moi ça? What are you watching? What are you watching? What are you watching? What are you watching? What are you watching? Watching TV. The Art Department avec Broken Social String, précédé de LSD Sound System. Ça vient de leur album éponyme The Art Department. Art-department.ca, c'est leur site web. C'est quand même assez compliqué, mais ça existe. C'est quand même bon, hein? Oui, c'est très très bon. Moi, j'ai dit, je l'avais écouté un peu, j'avais pas vraiment le goût d'en parler, mais c'est quand même à découvrir. C'est spatio-temporel. C'est très artistique, justement, ouais. Comme façon. T'sais, les bouts, ça vient plus normal, mais oups, il y avait des petits sons tout le temps étranges. Puis, non, j'aime ça. Oui, moi aussi. Voilà, donc The Art Department, c'est éponyme. Maintenant, on passe à un autre album de musique canadienne dans le même domaine canadien. C'est la formation Elbow Beach Surf Club, leur EP. C'est un album, un maxi, quelques pièces. C'est Billy Club EP. Et pour un EP, il y a quand même beaucoup de pièces. Là, j'en vois 9 sur leur album. On commence par Turf Dream à l'instant, mais à la chance. Oh, cool. Le décompte est commencé. Ouais, pour les dernières fois. C'est ça. On se dira bye-bye une dernière fois dans quelques semaines. Elbow Beach Surf Club avec leur Billy Club EP et les pièces Surf Dream, Same Side et Steal This Mug Shot. Si vous voulez plus d'informations, allez voir le myspace.com/Elbow Beach. Vous allez retrouver des informations telles que le fait qu'ils viennent de Guelph en Ontario. Intéressant. Que c'est un groupe indie. Encore intéressant. Ils vont être en spectacle un petit peu partout en Ontario. Ils ne sont pas encore venus au Québec, à ce que je vois. Leur site web, burntoak.ca, B-U-R-N-T-O-A-K.ca. C'est la même étiquette qu'un album qu'on va entendre un petit peu plus tard. Voilà, c'est tout pour eux. Il n'y a pas vraiment plus d'informations que ça sur leur MySpace. Au retour de la pause, dans à peine quelques minutes, notre super bloc poste à poste où on va affronter deux albums et un seul en sortira gagnant et recevra une autre pièce diffusée sur nos ondes, n'est-ce pas? Merveilleux, ça! C'est wonderful. C'est quelque chose, hein? À la chance! Au courage! Vous êtes à la chance au coureur et maintenant, c'est le bloc poste à poste. Deux artistes, groupes canadiens s'affrontent. Ed Guinness et Brides. Lequel gagnera? Lequel va avoir une pièce de plus? Ah, on va être plus ça, on va vous le dire. C'est Jean. Many trials I've come through. I have burned a bridge behind me. Now what is left for me to do? Love you, baby. Love you, baby. Love you, baby. Love you, baby. I have lost all of my strength and all the favor. plein milieu du bloc Poste à Poste. Ed Guinness, l'album Cure for the Common Crush et la pièce Rising River affrontent la formation Brides et l'album Queens. Voici la pièce Vélo et on verra le gagnant après. On écoute, nous, on est là puis on sait. Lequel est le meilleur? Face on à face. Pas, on sait pas. Aucune idée. Demande-moi pas ça. C'est quel le meilleur musical? C'est toi le meilleur, Nan. It's you, baby. Baby boy. Et puis, on a décidé qu'entre Ed Guinness et puis Brides, ben les gagnants, c'est Guinness. Donc, on leur donne une deuxième pièce. On s'est battu, par exemple. On s'est battu un peu. Faudrait le dire. Là. On était pas sûr. Danny disait, j'aime bien la musique de celle-là. Moi, hey, parlant de Guinness, là, oui. Moi, je fais une plug, là, direct okay, de même. Plug. Je sais qu'on l'émission des fois en diffusion, mais je parle pour quelque chose qui se passe à soir, 5 à 7, au Nord-Ouest Café. Je vous invite avec le Benzen. Et il y a des dégustations de bière Sapporo, Guinness, bière. Ah! C'est pour ça que j'ai dit ça. Bon. Mais en tout cas, c'est parce qu'on n'a pas eu le temps de faire ben de pub. On a été un petit peu cave, les gars du Benzen. Mais si ça me tente de venir écouter l'excellent électro rock. Non, électro. C'est une farce. Électro jazz. C'était juste pour voir si vous écoutiez. Et puis, c'est ça, déguster de la bière. Nord-Ouest Café, 5 à 7, à soir. À soir, vendredi 7 décembre. Ouais. Bon, ouais. Puis on lance un album. On va l'amener à Chance au Coureur. Ah, j'ai hâte. On sort ça le mercredi 12, la même journée que le souper. Bonne idée. Hein? Le souper de C'est Fou, le 12 décembre. Là, ouais. Ah, ben c'est parfait. On a le temps en masse d'en jouer dehors. Ça va être la fun. Ouais, on va faire jouer. On va faire entendre ça. Là. Mm-hmm. On se battra. On se battra parce que vous savez que deux émissions de la chance au coureur restent. Et après ça, il y a des surprises qui s'en viennent, les petits-enfants, vous autres. Ouais, puis on se bat, nous autres, parce que là, c'est la boxe ce soir. Tout le monde parle de boxe. Fait que moi, je suis en forme de me battre. Est-ce que tu vas fumer les cigarettes et conseiller dans le journal Voir? Il y a comme trois pubs de cigarettes. Ouais, mais là où je dirais, là, aux gens qui nous écoutent à la maison, dans leur auto, il y a trois pubs qui prennent des pages entières dans le Voir qui nous parlent de cigarettes. Il nous annonce des cigarettes. C'est pas une parodie. Non. Moi, j'aimerais ça, me semble, qu'on avait plus le droit de faire de la pub demain de cigarettes. C'est survenu, mais on sait pas. En tout cas, si vous avez des infos là-dessus, appelez-nous 376-5183 studio. Non, mais pour vrai, c'est vraiment une question que je me pose. Là. Trois pages, puis genre la page principale. L'intérieur de couverture. L'intérieur de couverture, la fin aussi. Et puis à l'intérieur, on m'a donné une autre page. C'est des méga pubs. En tout cas, si vous avez des infos là-dessus. On pourrait faire une pub genre « Voir le journal Les Futurs Fumeurs ». Ben, c'est ça.

Gagnant dans notre extrêmement sympathique bloc poste à poste, c'était Id Kiris avec l'album Care for the Common Crush et les pièces, les pièces Rising River, The One That Got Away et Son of the Sun. Voilà. Si on a bien compris la chose, c'était à peu près ça. Donc, le perdant, c'est Brides avec l'album Queens et la pièce Vélo. Id Kiris, Rock New Wave Progressive de Vancouver au Canada. Nouveau CD qui vient de sortir comme ça, idguinness.com ou encore le myspace.com/idguinness. Bride, c'est un groupe de Guelph en Ontario, expérimental post-punk rock. Oui, c'est bien ça. Burntalk.ca ou myspace.com/brides. Donc deux fois brides. Bride fait le tour. Brides, Danny. Parce que moi, j'ai demandé un light bright. Un quoi, un light bright? Ouais. Un light bright? Ouais. Ah, c'est le fun, un light bright. Tu devrais partir un band qui s'appelle Light Bright. Light Bright, c'est hot. C'est de la musique n'importe comment, pitchée dans des trous. Là. Mais très lumineuse. Ça serait des... Avec un côté sombre. Un carton sombre. Ah, oui, c'est ça. Carton gris foncé noir. Noir. Bon, donc on clôt le bloc poste à poste pour passer à notre prochain CD qu'on s'en va entendre. C'est un groupe alternatif. C'est un homme qui s'appelle Kevin Anderson. Son CD s'appelle Watch Your Head. C'est en fait deux CD. Et on va entendre la première pièce pour commencer. Voici Turn Magic Wheel. Tourne, roue magique. Tourne. C'est Yves Corbeil qui dit ça, je pense. Oui. Tourne, roue magique. J'aimerais ça qu'ils me disent ça, par exemple. Ouais. Ouais, j'avoue. Sérieux. Ouais. Tu pourrais gagner un Light Bright à l'arrivée. Un gros Light Bright. C'est les mêmes couleurs, dans le sens. La roue chanceuse, la roue de fortune, puis un Light Bright. Même affaire. Pareil comme la poule. Masters of none, I can hear answers from limited range. It might seem too strange to say you're the one. Shattering capsules and seed in the field, make your harvest grow. Turn magic wheel, can I follow you round to another stage? Kevin Anderson avec la pièce The Turn Magic Wheel de l'album Watch Your Head à la chance au coureur. C'est déjà la fin de l'émission de cette semaine et j'ai même pas eu le temps de penser à l'album de la semaine. Là, j'y pense rapidement. On a entendu tellement de bonnes choses, dont Elbow Beach Surf Club, The Art Department, Daft Punk Alive 2007. On a aussi entendu The Summer Lab que j'ai bien aimé, mais je crois sincèrement que l'album de la semaine, le coureur de la semaine, c'est Daft Punk avec Alive 2007. C'était aussi le bloc fidèle au poste de Danny Janvier, donc merci à lui de sa participation et merci à vous d'avoir écouté depuis tellement toujours. Là, on vous aime et il nous reste seulement une émission maintenant. Là. Hey, bonjour. Bonjour, Danny. Hey, une seule émission de La Chance au coureur avant que la transformation des choses arrive. On aura le temps de vous en parler à profusion pendant les prochaines semaines, n'est-ce pas? Oui, hey, juste un petit mot pour le monde qui veut voir des trucs tripants. Allez sur mtaf.ca. C'est eux qui ont fait la pochette de L-Motor. Tantôt, on regardait ça, Mathieu. C'est beau. Du très beau travail. Si vous cherchez quelqu'un pour faire une pochette, là, allez là. Absolument, mtaf.ca. Moi, je vous retrouve à La Connexion, l'émission d'informatique et de jeux vidéo, lundi et jeudi à 11h et dans les palmarès, c'est fou, les vendredis soirs à 17h. La Chance au coureur est en direct le vendredi matin à 10h et en rediffusion les samedis et les mardis après-midi. Je m'appelle Mathieu Plante, de la part de Danny Janvier et toute l'équipe fictive de La Chance au coureur. Faites attention à vos genoux, bonne journée et bonne chance!